je circule sur une chaussée à sens unique en travaux. Ces travaux ont obligé la mise en place d'un changement de chaussée. Il ne reste qu'une seule voie de circulation pour chaque sens. Par mesure de sécurité, une séparation en béton forme une barrière continue entre les deux voies restantes. Mais que se passe-t-il si un usager tombe en panne ici? La circulation serait bloquée. C'est pourquoi des emplacements d'arrêt d'urgence, refuges, sont aménagés de temps en temps. Ils ne doivent servir qu'en cas d'urgence. Si le voyant de pression d'huile ou le voyant de température d'eau s'allume, ne pas s'arrêter rapidement entraînerait obligatoirement la destruction du moteur. La bonne solution est d'allumer les feux de détresse, puis de freiner en surveillant derrière, enfin s'arrêter dans l'emplacement à droite, où je pourrais appeler les secours depuis la borne d'appel d'urgence. Réponse A et C.